L'association d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-lisme de Rostov, de Russie, a exalté dans son page d'internet le maréchal Kim Jong-un. L'homepage note que le dirigeant Kim Jong-un de la Corée est le dirigeant d'État le plus jeune de l'actuelle époque et que pendant moins de 5 ans depuis sa présence comme dirigeant d'État, la Corée obtient un changement considérable à une grande vitesse. Il ajoute également que l'esprit d'un seul coup du camarade Kim Jong-un est l'esprit d'assaut décisif qui connaît un grand essor en faisant en une année ce qui prendrait 10 ans sans égard aux formules et théories préétablies. Il souligne que la Corée, qui change au fil des jours, occupera parfaitement dans un proche avenir sa position d'une puissance, notamment économique et civilisée.